t'entends faire pas là pour faire marcher les défunts. C'est pas tout le monde qui connaît les ouais la danse du vieux temps. On t'entend faire pas là, allons danser Kalinda. Marcher les vieilles femmes, c'est pas tout le monde qui connaît. Mais où est la danse du vieux temps? On entend faire pas là, allons danser Kalinda. Uno de los más talentosos jóvenes que ha surgido recientemente en la música saricó, en el cajun y el creol, es sin lugar a dudas Cedric Watson, cantante, violinista, acordeonista y compositor, nominado en 4 ocasiones a los premios Grammy. Watson se presentará el próximo 6 de junio en Bogotá y por eso lo tendremos hoy como invitado especial en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, en un especial que iniciamos con el tema La Danse Kalinda. Watson nació en San Felipe, Texas, e hizo su primera aparición a los 19 años en The Big Easy, un club de Houston. Luego se trasladó al sur de Luisiana, donde rápidamente se sumergió en la música francesa y en el idioma, logrando ya llevar este sonido a 7 discos y también en sus giras por más de 17 países. Escuchemos nuevamente a Cedric Watson con Le Blues Creole y Tie Petit. Mo pa gen e char. sans un charme, mon coupa aller nulle part. Avec moi à la maison, on va rester la balance nos jours ensemble. instrumental. Ces petits galops-là passent toi juste pour te rejoindre. Ta maman, ton papa, oui, il croche un grand bon rien. Quel espoir et quel avenir nous autres avoir. Oh, mais toi la belle, toi tu vas m'aimer. Ça me fait pas rien. Ça ils m'ont dit, tu vas venir avec moi à la maison. On va rester là, balance nos jours ensemble. Des fois moi je peux pas m'empêcher de tomber aux genoux et hurler. Pas ma condition. Peut-être c'est ça qui moi je préfère. Oui, des fois je suis pas content. Mais mon esprit est beaucoup fort. Oui, c'est pas la peine brailler. Moi je vais le prendre juste comme ça c'est. Moi je peux pas m'empêcher tomber aux genoux et hurler. Habitué et moi tu es content. Va trouver moi-même, c'est la solution. rien aidé. Ouais, t'y connais. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Jusqu'à jongler. Cedric Watson nos ofrecía Les Orlements. Watson, junto a su banda Bijou Creole, se ha dedicado a recrear los sonidos antiguos de las danzas francesas y españolas que se desarrollaron al sur de Estados Unidos, uniendo esa tradición con los ritmos africanos que llegaron con los esclavos que precisamente vendían españoles y franceses. Tenemos otra vez a Cedric Watson con el tema A Kiss Ain't a Contract. N'aura pas d'amour trouvé. a quelque chose au fond de mon ventre, au fond de terre. Et puis la mer s'est héritée de mes ancêtres, convenus d'un monde plein d'idées, la tranquillité, la connaissance, la justice, et puis l'amour. Naturellement, je comprends tout ça. Je vais vivre ma vie jour par jour. Presentábamos Jour par Jour de Cedric Watson, invitado hoy a Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com. Cedric Watson, invitado, lo tendremos la oportunidad de ver en vivo el jueves 6 de junio en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional. Enviamos desde Bogotá un saludo a los amigos en España que nos escuchan por Radio Garito de Blues, y a los compañeros argentinos que están pendientes de este programa en Bar de Blues Radio, Blues 24 y FM Sierras. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Sigamos escuchando a Cedric Watson en el tema Allons nous autres. Allons-nous au chef, à la maison bébé, si tu peux les vini, vini joins-moi ce soir, mon baguette toi tipi, de dormir au chef. toi, dis pas ton papé, ta vieille maman. Qui mange les pectons, les autres n'est pas là. Pas là. La la. La la. La la belle, elle est la plus jolie. Ouais, les plus jolies sont pas toujours vaillants. Dis pas ta maman, tu écoutes ton bec. Je dis pas ton papé, il a pas bon tête. Bon tête. Bon tête. Bon tête. me comprendre. Tu vas jamais me comprendre. Comment ça se fait avec toi? Tu vas jamais me comprendre. Comment je comprends moi-même? Cedric Watson nos ofrecía Tu Bella Meme Comprende. Aparentemente, Cedric Watson tiene un repertorio infinito, pues interpreta desde viejas melodías creol, algunas ya olvidadas, hasta canciones modernas de Kai Yun y Zydeco, internándose ocasionalmente en los campos del bluegrass y de las viejas bandas de cuerdas. Además de eso, y contrario a muchos de sus contemporáneos, Watson es un prolífico compositor en cuyos temas muestra sus diversos ancestros, gracias a lo cual ha desarrollado su propio sonido. Tenemos ahora los temas Le Soleil Élevé y I Live Till I Die. C'est ton idée, cher. Va faire quelque chose. Soleil élevé, tu dans la maison. Soleil élevé, tu dans la maison. Bois comme un trou, tu fumes comme un train, toi qui bois comme un trou, soleil élevé, tu dans la maison, soleil élevé, tu dans la maison. Amis sont là pour toi. Dis pas tes amis chers, ils sont là pour toi. T'as prêt t'éloigner, tout ça qui t'aime. T'as prêt t'éloigner, tout ça qui t'aime. cœur est barré, t'as perdu la clé. Ton cœur est barré, t'as perdu la clé. Tu pourrais crever, mais toi t'es trop jeune. C'est quoi tu vas faire dans les misères? Thank you. drink when I'm dry. If the whiskey don't kill me, I'll live till I die. Chocolat. Escuchábamos La Rose June de Cedric Watson. Los discos de Watson son todo un juego de ritmo y poesía. Sus presentaciones en vivo se hacen inolvidables gracias a su progresión y a la nostalgia que provocan. No debemos olvidar que una de las más grandes contribuciones a la herencia musical fue hecha por los nativos americanos. Yo encontré que los ritmos del sáriko suenan como una mezcla de ritmos ceremoniales nativos y africanos, dice Cedric Watson, un poco como para redondear esa idea del ritmo y la poesía que se mezclan en sus discos y en sus conciertos. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con Cedric Watson como invitado especial, a quien tendremos la oportunidad de ver en Bogotá, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional el próximo 6 de junio. Cerramos este especial con el tema Bye Bye Mon Cue Fed Mal. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Baba, mon cœur fait mal. Baba, mon cœur fait mal.